ماشي هنديه وضل درو froid extrême pour les Esquimaux. En France, dans le Périgord, truffes et vins de Cabord. La route, je l'ai prise un beau jour de septembre, dans les champs de blé. J'ai vu éclore les coquelicots. Mais la nostalgie est passée, et je vis maintenant dans le présent. Magie indienne au bord de l'eau, froid extrême poule. Esquimaux en France, dans le Périgord, truffes et vins de Cahors. La route, je l'ai prise un beau jour de septembre, dans les champs de paix, j'ai vu éclore les coquelicots, et la nostalgie est passée, et je fais le voyage intérieurement. J'ai les conseils des maîtres zen, les conseils des maîtres du christianisme, le Christ ressuscité, il peut maintenant dedans venir dans le cœur des hommes. Magie au bord de l'eau, froid extrême au pôle de l'Esquimaux. En France, dans le Périgord, truffes et vins de Cahors. La route, je l'ai prise un beau jour de septembre, dans les champs de blé. J'ai vu éclore les coquelicots, mais la nostalgie est passée, et je vis dans le présent. Ça prenait des cailles.